j'avais oublié le protoxyde. J'avais oublié le protoxyde, y en avait. Les bonbonnes, les gars. J'avais oublié le protoxyde d'azo. J'avais oublié l'azo. Y'en avait souvent. Pas besoin de ça pour monter dans les aigus. Monter l'oreille jolue. J'avais oublié le protoxyde d'azo. Oh dieu. Babylone. Tout ce que tu veux, à tous les étages, pas besoin de darkness. Y a tout ce que tu veux, pas besoin que tu diriges une barre. Tout ce que tu veux, des Cadillac, des ombrelles. De la buplast et des bretelles. Des Père Noël, grandeur nature, qui ne descendent plus que pour les enfants, à qui on demande de faire les doublures. En attendant, va pas sur les genoux de tonton. D'avoir 20 ans. Va pas sur les genoux de tonton, on a dit les. Dans les vitrines. Pas toutes les tailles. Dans les vitrines de l'avenue, y'a tout ce que tu veux, tout ce que... En même temps, il a une si belle voiture. Regarde papy dans sa Porsche. Regarde papy dans sa Porsche. Il a une si belle voiture. Y'a tout ce que tu veux. Y'a tout ce que tu veux. Dans les vitrines. Pas besoin d'être chandelisé. Raffiné. Encore une fois. Des produits. Notre civilisation. My bad, don't leave. À faire se lever le bonheur, des fois qui poussait. Ah, il faut attendre. Pam pam pam. Pam pam kink kink. Ça marche. Kink kink. Des fois qui pousserait dans la rue. Non, il faut commencer sur le 1, 2, 3, 4, 1, 2, et. Tape ta tête. Tu vas, vitrine de l'avenue. Y'a tout ce que tu veux. Quand même. Et un process. On peut pas tout mettre en même temps. Bah moi je sais pas faire, mais j'ai trompé. Si on en est trop, si on se laisse aller. Faudrait pas. Thank you. table. Que je vous appelle. L'ambiance. J'ai dit pour eux. J'ai dit pour eux. T'as dit pour eux, pas pour eux. J'ai dit pour eux, pas pour eux. Pour eux, pas pour eux. Ah non, pour eux. Peut-être aussi. Comme nous serons. Sur cette colline, surpris, comme nous serons, quand nous serons, nouveau amoureux. Nous verrons cette... avec des marmottes, des tanoukis, nous vivrons heureux avec nos amis les tanoukis. Pas que ces accords de guitare sonnent très très bien. Qu'est-ce que vous sentez quand des guitares ils sonnent très très bien d'ailleurs. Avec avec ça. On a perdu Pierre. Je remets de la musique et t'en pas. On a bien failli te perdre. Les accords de guitare sonnent bien, ils ne vous semblent pas. Ok, à mon avis, c'est traduit de ChatGPT, c'est pas possible. Voilà, c'est pour ça. Ah, mais c'est pour ça que. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, non, c'est... particules, espace. Rire tonitruant. faudra réécouter. Ils sont enveloppants, ils sont gentils, ils sont mignons. Conscience, sans conscience. Ruine de la... Comme une science, sans conscience. Comme une ruine de la... Ce qui me reste un peu de surmoi, beaucoup de ça, beaucoup de moi, beaucoup. Conscience. Petite science, on se met out encore une fois, hein. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Pardon. On refait pas.